ce qu'on nous demandera. Dieu ne demandera pas quel genre de voiture vous avez conduit. Il demandera combien de personnes qui n'avaient pas de moyens de transport vous avez raccompagnées. Dieu ne demandera pas combien de mètres carrés faisait votre maison. Il demandera combien de personnes vous avez accueillies dans votre maison. Dieu ne posera pas des questions sur les vêtements que vous avez accumulés dans votre armoire. Il demandera combien de personnes vous avez aidées à se vêtir. Dieu ne demandera pas quel a été votre salaire le plus élevé. Il demandera si vous avez accepté de vous laisser corrompre pour l'obtenir. Dieu ne demandera pas quel était votre titre. Il demandera si vous avez fourni le meilleur de vous-même dans l'exécution de votre travail. Dieu ne demandera pas combien d'amis vous avez eus. Il demandera de combien de personnes vous étiez l'ami. Dieu ne demandera pas dans quel voisinage vous avez vécu. Il demandera comment vous avez traité vos voisins. Dieu ne se souciera pas de la couleur de votre peau. Il posera des questions sur le type de caractère que vous avez eu. Dans les moments heureux, louez Dieu. Dans les moments difficiles, cherchez Dieu. Dans les moments tranquilles, priez Dieu. Dans les moments de douleur, faites confiance à Dieu. À chaque instant, rendez grâce à Dieu.